temps de cimetière. À tous ces calabres enterrés, à des places illimitées. Pourquoi aller continuer ma volume de faire pour une chez moi? Il reste rien à mourir dans mon rôle qui me reste. Je n'aurais pas le respect, ou une telle police littéraire. Vous pouvez s'en être obligé, pour rien les plus désirés. Je n'aurais qu'un paragraphe, on lui tira les guitares. On n'oubliera pas du gravé. Artefact de la soumoulée.